voici de retour avec le train de la musique. Et pour vous charmer, pour vous amuser, pour vous faire écouter les plus belles chansons de nos artistes français. Et ce soir, le programme est vraiment amusant. Laissez-moi vous dire aussi que ce programme est un programme culturel. Hein. C'est un programme qui vous détend. C'est un programme qui vous demande de ne pas penser, seulement vous laisser aller en écoutant nos mélodies. Si vous ne comprenez pas les paroles, je suis à votre disposition pour vous enseigner à parler français avec beaucoup de plaisir. J'ai reçu deux appels de deux de mes amis qui m'ont demandé si je touchais de l'argent pour faire ce programme. Laissez-moi vous dire, hein, absolument pas. Je ne gagne pas un sou, je le fais avec beaucoup de plaisir parce que je veux compartir con ustedes un idioma maravilloso, un idioma de amor y de sentimientos. Solo eso, nada de dinero, ok? Donc c'est compris, hein? Et pour continuer, nous allons mettre à l'affiche maintenant notre ami Jesha. Jesha, tu es à l'affiche, hein? Et cette musique est pour toi. Écoute bien Johnny. Qui va nous chanter? Parce qu'il parle de lui, pas de moi, d'accord? Johnny parle de lui dans sa chanson. Moi, je suis seulement qu'un intermédiaire. Hein? Donc, c'est compris. On va l'écouter maintenant dans son interprétation. Un jour viendra. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras tout. Ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a. Le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même, dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi, qui n'est jamais fait que passer à côté des choses essentielles, par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'âme. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai. À qui le tour maintenant? Voyons, Carla. Oui, Carla, c'est à toi maintenant le tour. Cette musique est pour toi. Je sais qu'elle ne te ressemble pas, mais le sort est tombé sur celle-là. Je n'y peux rien. Et je vais vous dire comment j'ai bâti ce programme de ce soir. J'ai mis dans un chapeau tous les noms de mes élèves et dans un autre chapeau les morceaux chantés par Johnny Hallyday. Et le sort est fait. Quand je prends un nom, je choisis aussi une musique et je fais matcher les deux ensemble. C'est pour ça que le sort est tombé ce soir pour Diana, car elle m'a fait bien rigoler samedi après le cours. Hein? Elle m'imitait comment je parlais en faisant les cours. Ah, c'était marrant. Pour le reste, je n'ai rien à voir, Diana. Je n'ai rien à voir, Carla. Et pour toutes les autres, ça vient du, comment dirais-je, c'est du sort. Hein? Donc, vous n'allez pas m'incriminer pour ça, c'est promis. Ok, donc pour Carla, Johnny va chanter ce soir quelque chose de Tennessee. Chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui le pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose de Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, dans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. De la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, serait-on nous avec mots à lui. Quelque chose t'aimait. Maintenant, c'est au tour de Célina. Célina, écoute. Comment a été la lune de miel, tu ne nous as pas raconté. Oui, tu nous as abandonné pour aller te marier, te balader à travers tout le Mexique avec ton mari. Ça, c'est magnifique. Magnifique, nous sommes tous heureux de te revoir. Comme tu as changé. Ha! Maintenant, nous ne t'appellerons plus Mademoiselle Célina. Bien, Madame Valdés, hein? C'est bien ça, hein? Je crois que je ne me suis pas trompé, c'est Madame Valdés. Hein? Oui, tu as créé bien des jalouses, bien des envieuses parmi tes copines. Je l'ai remarqué quand tu es rentré dans la salle de classe. Tous les yeux étaient braqués sur toi. J'ai l'impression qu'elle pensait te voir de retour avec des ailes, hein? Comme un papillon, comme Jerry. Et quand moi je les observais du coin de l'œil, comme tout bon vieux professeur, hein? Et pour toi, Célina, ce soir, c'est pas pourquoi, c'est le sort qui a choisi cette chanson. Hein? Et Johnny, peut-être qu'il te regardait du coin de l'œil, je sais pas. Bon, je plaisante. Hein? Et il va nous chanter, il va te chanter. Et pour toi, ce soir, cette musique qui s'intitule Pas cette chanson. Écoutons-le. Terre-là qui me rappelle autrefois, oublie-le s'il le faut, ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas, mon cœur n'y tiendrait pas. De l'entendre, je le sais, je me souviendrai qu'elle me disait. Elle disait, toi que j'aime. Mais tu sais que tu mens. Toi que j'aime. Mais tu sais que tu mens. Toi que j'aime. Mais tu sais que tu mens. Oh, tu mens. Oh, oui, oui, oui, oui. Et puis ta violon pleurait dans l'ombre où nos cœurs se parlaient. Notre amour était si grand que tout le ciel tenait dedans. Et depuis, si quelqu'un fredonne, mon cœur s'abandonne. J'entends jouer des violons, j'entends sa chanson et sa voix qui disait, disait. Mais tu sais que tu mens. Oui, tu sais que tu mens. Ah, tu sais que tu mens. Tu mens. Oh oui, oui, oui, oui. Pas cette chanson. Arrête, arrête. Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui. Tu sais que tu mens. Pas cette chanson. Pas cette chanson. Oh, je t'en prie, arrête, oui. Mais tu sais que tu mens. Ah, nous voici arrivés maintenant à Fatima. Fatima, tu es toujours bien tranquille, bien silencieuse dans la classe. Enfin, Fatima, je ne sais pas ce que tu as fait, Johnny, mais il a dit à Sylvie qu'il avait un problème. Peut-être que tu pourras lui solutionner ce problème, non? Parce que en chantant à Sylvie, il lui raconte un petit problème. Donc cette chanson est pour toi. Tu vas bien l'écouter. Et c'est, toi c'est samedi, hein? Samedi tu vas bien me dire de quoi parle cette chanson, ok? Comme je, encore je te dis, je n'ai rien à voir dans le choix des chansons. Un nom dans un chapeau, les chansons dans un autre. Je fais le choix. Je prends un nom et je match ça avec le avec une musique. Et le sort est tombé pour toi ce soir. Dis-moi pourquoi. Ok? Donc on va écouter. Allons-y. Ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. n'est pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Et pour satisfaire un auditeur qui a voulu rester dans l'anonymat et qui nous a demandé de bien vouloir trouver un traducteur parce que lui, il ne parlait pas français, mais qu'il aimait bien le programme. Il aimait bien le programme, mais qu'il aimait bien les chansons, mais il ne comprenait pas trop bien ce que je disais. Donc, je vais faire un faux pas ce soir. Je vais trouver quelqu'un qui parle espagnol comme moi je parle espagnol. Et c'est bien marrant. On va l'écouter. Hein? Il va nous interpréter une chanson que j'ai déjà jouée dans le programme qui s'appelle Nathalie. C'est M. Gilbert Beco maintenant qui nous interprète Nathalie en espagnol. Écoutons-le. Visitaba Moscú, me acompañaba Nathalie, un hombre bello, el de Mejía, Nathalie, ouais. Yo visitaba Moscú, mientras nevaba sobre mí, bajo un cielo gris me conducía Nathalie. Ella hablaba sobriamente de la revolución de octubre. Yo la escuchaba, ella me hablaba de Lenin, y al llegar al café Pushkin, yo la invité. Era de noche en Moscú, yo su mano la cogí, y noté que al fin se estremecía Nathalie, oh, Nathalie. Me llevó a la universidad y ahí me presentó compañeros de su edad. Nathalie y todos los demás, mil cosas de París, preguntaban sin cesar. Juntos a Nevada, Ucrania, y el Sena y San Michel, mezclados sin hablar de idea ni fe. Luego, todos a beber un trago de champán con música de zarras y de vals francés. ¡Hey! Todos se fueron de ahí, todos tenían que partir, y quedé yo solo con mi guía, Nathalie. Ya no me hablaba sobriamente de la revolución de octubre, y me llamaba amor. Ya no me hablaba de Lenin, mas recordó el café Pushkin y todo. Todo cambió. Tuve también que partir. Me prometió ir a París. Ese día yo seré su guía, Nathalie. Ouais. Nathalie. Et vous pensez qu'il est le seul, hein? Non, non, non, non, non, il n'est pas le seul à rabâcher et votre langue, la langue, pas la langue de Molière, c'est la langue de Cervantes, non? Et maintenant, pour vous faire rire, on va écouter un autre chanteur bien connu et français, du moins français, et qui nous va chanter aussi en espagnol. Mais j'ai l'impression qu'il a une meilleure prononciation que Gilbert Bécono, et peut-être moi aussi. Et nous allons entendre cette chanson qui dit « Tu 16 años, t'es 16 ans ». Et cette chanson nous est interprétée par Monsieur Charles Aznavour. Écoutons-le. Tienes la juventud de tus 16 años. Cuando me miras tú, sueño con el pasado. Pero hay el amor, no lo puedo vivir. Se marchó, está lejos de mí. Canta tu corazón, lleno de primavera. Es tu mejor canción, porque un amor te espera. Ese nuevo afán que te hará tan feliz. Ese amor lo hallarás junto a mí. En brazos del amor muy pronto te has de ver. Y puede que consigas comprender todo lo que digo hoy. Luce más el sol. Tienes 16 años hoy. Se abre para ti un mundo ilusionado. Vas a conocer del amor la verdad y de mí pronto te olvidarás y de mí tú te olvidarás. Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre programme. Il est l'heure de partir. Mais je sais que vous vous êtes bien amusés avec le programme de ce soir. Donc, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos commentaires. D'accord? Ce serait avec plaisir si vous le faites en envoyant vos courriers à radioudeo.tk. Je répète, radioudeo.tk. Ou bien vous téléphonez à la cabine 818-20-25. 818-20-25, ou bien vous allez sur le Daniel Fouché iPod, et vous pouvez, décharger le programme, si vous voulez. Nous vous attendons dimanche prochain, sur la même fréquence, même longueur d'onde, même radio, même station, comme à l'ordinaire, à 8h du soir, de 8h à 9h. Nous vous attendons, nous vous disons merci, bien le bonsoir. Passez un bon dimanche et à nous revoir. Bonsoir et merci.